Quand on commence à vivre cette communication-là avec l'autre plan de nous-mêmes. On doit être prêt, puis on doit apprendre à ne pas s'inquiéter de demain. Ça fait partie de notre expérience. C'est ça qui nous rend centrés, c'est ça qui nous désémotionnalise de la vie, parce qu'il faut qu'on arrive à être démotionnalisé de la vie. Tu peux pas vivre ta vie émotivement tout le temps. Si tu vis la vie émotivement, c'est évident que tu vas vieillir, puis éventuellement tu vas mourir, parce que la vie, ça sape l'énergie émotionnelle. Tant qu'elle n'est pas vécue sur le plan mental supérieur. Si tu as des gens qui sont malades, si tu as des gens. Donc avant que les corps soient ajustés pour que la vie ne puisse plus taper vos énergies émotionnelles, ça prend le temps que ça prend. Il y a des cas où l'homme et la femme se conscientisent en même temps. Eux autres, c'est un cas, c'est un exemple. Monsieur Bessette, c'est un exemple. Croteau puis sa femme, c'est un exemple. Puis sa femme, le Croteau, est venue après, pour venir tout de suite. Il avait autant maudit que ça arrive. Peut-être si Croteau n'a pas rencontré, ça sera jamais arrivé. C'est subtil. Il dit qu'il faut qu'on en arrive à se faire confiance totalement à soi-même. Oh, il dit qu'on en arrive à se faire confiance totalement à soi-même quand qu'on commence à vivre au niveau de soi-même. Puis il dit qu'on en arrive à vivre au niveau de soi-même quand qu'on en arrive à perdre la conscience de soi-même. Puis on en arrive à perdre la conscience de soi-même quand on en arrive à perdre la conscience de notre personnalité, parce que notre personnalité nous donne, nous crée, nous façonne un faux soi-même. Puis quand on perd l'illusion de la personnalité, puis l'importance, la permanence de la personnalité, qu'on commence à vivre au niveau de notre autre soi-même, notre autre soi-même est réel, notre personnalité est réelle, notre ego est stabilisé. On est dans la vibration de l'âme, puis à ce moment-là, on commence à voir où on s'en va, puis à savoir où on s'en va, puis dans quel temps telle chose va se produire. Mais on ne peut pas savoir notre propre vie tant qu'on n'est pas arrivé à détruire le faux soi-même pour en arriver à reconstruire le vrai soi-même. C'est quand on rentre dans le vrai soi-même qu'on commence à réaliser notre avenir, puis qu'on sait que dans 3 mois, on va rencontrer Joe Blow, puis dans 5 semaines, on va se marier. C'est ça que t'es avec ma femme. Je savais exactement si t'avais des pattes grosses ou des pattes droites, si elle avait les cheveux blonds ou roses. Mais, c'est parce que j'étais dans mon soi-même. Mais il y a une condition qui arrive. Ah, puis ça, c'est intéressant. Quand tu rentres, tu commences à être dans ton vrai soi-même, c'est plus ta personnalité qui dit qui tu vas marier et qui tu ne marieras pas. C'est ton vrai soi-même qui te dit que c'est lui ton mari ou c'est lui ta femme. Puis il dit que vous n'êtes pas encore arrivé à un point assez près de votre vrai soi-même pour pouvoir prendre d'eux autres le verdict sur qui vous allez vous marier et qui vous allez pas vous marier. Fait que si tu aimes les femmes qui sont stupides, les cheveux blonds, puis tu arrives avec une petite femme crochue, puis que t'es cette petite femme crochue-là que tu vas marier, vous êtes mieux d'être dans votre bras soi-même, et dit sans ça, vous allez souffrir. Parce qu'il dit, vous allez marier une femme pour sa personnalité au lieu de la marier pour son esprit. C'est quand tu vas marier une personne pour son esprit, non sa personnalité, que tu es dans le bras soi-même, que l'union entre eux est totale, permanente, et que vous pourrez vous rencontrer et évoluer sur la Terre comme dans les. Ça, je lève, c'est parti. Il y en a pas les très C'est intéressant, parce qu'il dit, vous autres, si vous dites, c'est lui qui c'est lui qui t'apprend, à ce moment-là, il y a la polarité en cours de votre mandat. Surtout si vous êtes une femme, que vous avez pas de croche, vous avez une femme avec des pantouettes, là, votre personnalité va réagir, vous aimerez pas ça. Là, il va se faire un jeu dans votre esprit, vous ne serez pas capable de descendre l'énergie et de dire, bon, ben, correct, on se fait aller le lancer. Voilà, votre personnalité va bloquer. Et quand vous allez dans votre vraie soi-même, eux autres, ils vont dire, c'est lui, là, le pas qui travaille sur le top de côte, là. Tu vas le rencontrer à ce moment-là, c'est lui ton vrai mari. À ce moment-là, ça va se faire quand même, vous n'avez aucune hésitation, vous n'allez pas y penser parce que ce n'est pas de vos affaires qui vous marient. Et là, vous dites ça demain. À l'époque, c'est son bon. Quand tu dis ce que vous avez fait, vous mariez, parle de façon très bien. Mais il faut que tu sois dans ton soi-même pour voir le vivre, ça. Tu peux pas être dans ton faux soi-même. Parce que si tu es dans ton faux soi-même, c'est tes affaires. Et quand tu n'es pas dans ton faux soi-même, tu es dans ton vrai soi-même, c'est plus tes affaires qui te marient. Parce que qui tu maries éventuellement va être dans ton esprit, dans le même esprit que toi. Puis à ce moment-là, la personnalité, il n'y en a plus, ni la tienne, puis ni la tienne. Fait qu'à ce moment-là, vous n'êtes plus capable de penser en termes de qualité et de défaut. À ce moment-là, vous pensez un qu'en termes d'esprit, puis à ce moment-là, vous êtes un dans l'esprit, puis à ce moment-là, vous êtes dans la lumière et vous deux, puis ça marche. À ce moment-là, ça ne mérite pas à cause de ses jambes croches. Pas croches. Je pense que c'est ça le palette de sur-terre. C'est ça le palette de sur-terre. Jusqu'à temps que ça change de plan. Gisèle pis son mari, c'est blanc pis noir. Blanc pis noir. C'est pas mariable. Au niveau de la fausse personnalité. Au niveau du comment est-ce qu'on appelle ça? Le faux moi? Comment si j'avais le faux moi? Le faux foi. C'est pas possible. Elle avait une personnalité pis lui une autre. C'est un train et lui c'est un petit toutou. Fait que lui il l'aide. Parce qu'il faut qu'elle soit aidée dans sa vie. Il l'aide. Mais ça fait partie de ses vibrations. Fait que j'aime ça l'aider. Si elle n'avait pas rencontré à l'intérieur de cette conscience-là, elle serait allée chercher un médecin, un avocat ou un politicien, puis la grosse gomme. Parce qu'elle était toujours dans la grosse gomme avant. C'était la petite gomme. C'est la meilleure gomme. Parce qu'il n'y a pas un autre gars qui pourrait être standé. Ça ne fera pas. C'est un cadeau. C'est pas un cadeau. C'est un cadeau. Au niveau de son vrai soi, au niveau de lui. Moi, dans ce temps-là, je ne disais pas, tu vas marier telle personne, mais je le savais. Ce que vous avez fait, je vous rencontrais. Il ne réalise ça même pas. Il est encore mieux que moi parce qu'elle a le pouvoir visionnaire de voyance que moi je l'ai. Moi je le dis, mais je peux pas le dire. Je peux pas m'en saluer tandis qu'elle a le dit. Au bout, pas ça, Gisèle. Elle ne trompe pas ma femme. Quand elle me dit Gisèle, c'est pas le temps. Dans deux mois, paf. Parce que moi, elle m'a laissé tomber. Pas l'influencer, mais elle. Gisèle a bien plus confiance à ma femme qu'à moi. Parce que moi, je travaille plus tard à ses corps. Parce qu'elle. Gisèle, elle me dit, c'est la femme que je trouve la plus mentale de la planète. Ouais, c'est la femme la plus mentale de la planète. Elle est totalement mentale, ça ne va pas. Ah. Totalement mentale. Elle est vraie très. Elle est dans mon mari. Ouais. Totalement objectif. Totalement. Extraordinaire. Tu veux parler de chevaux, vous allez parler de carré. Ah. Mais, elle est extraordinaire. Ah, extraordinaire. Ma femme est absolument extraordinaire. Quand tu peux voir ta femme comme étant une être extraordinaire, ben là, à ce moment-là, t'es tous les deux dans la même vibration. T'es heureux. Mais elle a un beau tuto avec elle aussi, là. Bon. Elle a subi des souffrances d'initiation, ma femme. Elle a passé des maudites souffrances avec moi parce que je tapais un cadeau durant l'initiation. Moi, j'étais 7 ans durant l'initiation, je priais pas. Je prie, aujourd'hui, j'ai du fun. Durant l'initiation, je pouvais pas rire. Il m'était impossible de me servir mon énergie astrale. Pendant 7 ans de temps. Fait que ce qu'elle est aujourd'hui, elle l'a eu par souffrance, ses corps ont été changés par souffrance. Puis aujourd'hui, elle est totalement équilibrée, elle est totalement centrique. C'est un plaisir, cette femme-là, c'est un plaisir de vie. C'est la femme la plus superbe que je connaisse, puis je suis sûr qu'il n'y a pas un autre sur la planète pour l'égaler. C'est déjà fait. C'est tout ça qui dit que c'est dans la conscience qu'on réalise pleinement la valeur de celui avec lequel on vit. Mais si la conscience n'est pas pleinement développée, puis qu'il y a encore trop de spiritualité, à ce moment-là, il va y avoir des brouillards, des voies. Des voies. Parce que la spiritualité, ça fait partie de l'ego, ça fait pas partie de la conscience cosmique. Ça partie de l'ego, la spiritualité, ça n'appartient pas à la conscience cosmique de la spiritualité. C'est là que les problèmes commencent entre les hommes et les femmes qui s'occultifient, qui se conscientisent. Ils sont tous les deux spirituels, mais il y en a un qui fait plus d'overtime dans la spiritualité. Fait que aussitôt que tu fais plus d'overtime dans la spiritualité, tu te prends pour un pape. Faites attention! Ils vont vous agréger de l'heure. Moi, je vous le dis parce que je vous donne des points de référence, mais c'est vous autres qui devez vivre votre expérience. Les gens parlent d'universalité de l'homme et d'universalité de la femme. L'universalité de l'homme et de la femme, elle commence dans la conscience de l'homme et de la femme. Elle commence pas dans la psychologie de l'homme et de la femme ou au niveau de la personnalité de l'homme et de la femme. L'homme et la femme ne se rencontreront jamais au niveau de la personnalité dans une universalité de conscience. C'est impossible. Même si un mouvement de libération de la femme dans le monde, ça fait partie simplement de l'évolution de la psychologie de la femme. Les femmes ne seront jamais universelles dans la société tant que les hommes et les femmes ne seront pas universelles dans leur conscience. Les femmes auront plus de capacité de travail, auront plus de possibilités d'emploi de leur temps, plus de capacité de manier des grosses affaires, mais ce sera toujours les hommes qui géreront le monde, tout le temps. Comptez-vous pas des histoires. Si tant que les femmes se réalisent dans leur conscience intérieure, c'est là qu'elle lit leur universalité, puis leur neutralité à la forme, la fausse forme de l'équilibre psychologique entre l'homme et la femme, il y en aura vraiment à faire. Tant que la Terre, la conscience de la Terre ne sera pas changée. Comment ce serait un système communiste? Ce serait toujours les hommes. Va au Politburo, regarde le Politburo en Russie, puis regarde qui c'est qui rentre. C'est quasiment toutes des hommes. C'est qui rentre les grosses patentes dans le monde. C'est toutes des hommes. Bon, de temps en temps, ils vont planquer une femme là, là. N'inquiète pas. Ça, c'est un bruit qu'elle. Une femme aujourd'hui qui est trop forte, Charlie, elle va se faire descendre quelque part. Elle est mieux d'avoir des reins forts. Puis des seins pointus. Il y en a de plus en plus, mais je parle de l'universalité. Quand même, il y aura plus de femmes dans le gouvernement, ça sera toujours des hommes qui rentreront. Parce que la fonction de l'homme sur le plan matériel est déterminée par la personnalité de l'homme et la personnalité de l'homme est fondée sur le pouvoir matériel solide de l'homme, ses muscles. Qu'est-ce que vous pensez de Mme Thatcher? Ah, c'est des femmes spéciales. Gandhi, c'était un autre. C'est pas universel. C'est pas universel. Les femmes pensent parce qu'il y a une Mme Thatcher quelque part, puis une Gandhi quelque part, puis une Eva Perón quelque part, puis les femmes elles sont renées par le monde. Le monde est rené par les femmes. Hé, ouvrez-vous le mien. Ouvrez-vous le mien. N'aurez-vous pas appelé parce qu'il y en a une qui réussit à atteindre le sommet parce qu'elle a l'acumen politique. Il y a toujours eu des grandes femmes dans la société. Il y en a eu dans le passé, il y en a eu des familles, des tsars russes, Catherine de Russie, tout à fait. Il y en a toujours eu des grandes femmes. Joséphine. Il y en a toujours eu des grandes femmes derrière des grands hommes, mais t'as tout derrière. Là, ils veulent être devant un petit peu. Mais ils ne seront jamais totalement à l'œuvre. Les femmes, ce ne sera jamais une société matriarcale. Même la société juive qui est considérée comme société matriarcale, où les femmes ont la grande puissance, la famille matriarcale juive, c'est la femme qui run le show, c'est encore les juifs qui ont le pognon. Ça, l'affaire de la société matriarcale, c'est tout un mécanisme psychologique d'évolution qui permet à une société de se conformer à des dictées fondées sur une préservation de l'alliance familiale dont les Juifs ont un très haut niveau de gré. Et dans la société mondiale, les femmes ne runneront pas le show, pas de suite. Les femmes runneront le show ou seront dans le show. Avec les hommes, quand les hommes et les femmes seront conscients. Parce qu'à ce moment-là, il n'y a plus de différence entre les hommes et les femmes. Mais y en a-t-il déjà eu des sociétés matriarcales? Il y en a eu souvent des sociétés matriarcales, mais ça a toujours été les hommes qui ont renié le bateau. En réalité, c'était pas matriarcal. Ils appellent ça des sociétés matriarcales parce que les femmes avaient le pouvoir psychologique sur l'homme. Mais le pouvoir psychologique sur l'homme, c'est pas assez. C'est le pouvoir matériel sur la société qui compte, c'est ça qui est l'homme. Il y a bien des aspects dans la vie de la femme qui ne sont pas connus, qui ne sont pas compris au niveau de la société. Il y a bien des aspects de la fonction de la femme de la société qui ne sont pas connus. Au niveau vibratoire, parce que pour comprendre une femme, il faut comprendre ça au niveau vibratoire. Pour comprendre un homme, il faut comprendre ça au niveau vibratoire. Ce sont les postes vibratoires qui moulent une société et qui engendrent une civilisation. Ce n'est pas le mode d'opérandi, le modus operandi de la personnalité mâle ou de la personnalité femelle. La femme, en tant qu'esprit dans une personnalité, peut se révolter s'il y a des abus. Mais éventuellement, s'il n'y a pas d'abus, la femme retombe à son niveau. Ah, oh, c'est bien. Faut que l'homme se conscientise pour qu'il y ait un équilibre entre la femme et l'homme. À ce moment-là, il n'y a plus de personnalité. Qui prend. c'est normal que les femmes qui ont des fortes personnalités, qui ont d'éducation, qui ont des maîtrises, du doctorat, c'est normal qui cherchent à s'imposer puis à s'intégrer dans un système. C'est normal, ça fait partie de la créativité de la femme. Mais une femme qui est sage, elle peut faire ça, mais savoir aussi qu'elle est femme. Parce que si elle combat la forme que la femme devait renier, elle va combattre seule. Parce qu'elle, il y a peut-être l'autre, il y a peut-être un autre, il y a peut-être un autre, mais c'est pas la société mondiale. Si la femme est assez sage et assez intelligente pour se faire, se trouver un trou dans un système, puis monter, puis graver, mais tant mieux, c'est parfait. Parce qu'elle elle a la créativité, elle a la vibration. Mais il ne faut pas qu'elle tombe dans l'illusion de la forme que toutes les femmes devraient runner le show. C'est impossible. Il y a des décisions politiques. Il y a des décisions. On parle de Thatcher, on parle de Garanti. Il y a des décisions politiques qui sont prises par un consensus d'opinion mort qui influe sur l'esprit d'une femme. Thatcher n'a pas l'Angleterre tout seul. C'est évident. Ça ne sera pas là. C'est une grande femme. C'est un grand esprit, dit Thatcher, qui passe à travers la personnalité. C'est l'esprit de Thatcher, c'est ça. C'est pas sa personnalité de femme. Ces femmes-là se considèrent même pas comme des femmes, ils se considèrent comme des êtres. C'est ça qu'ils sont nés. S'ils se considèrent comme des femmes, ils feraient des gaffes. Goldemeyer, c'est un autre. Ça se considère pas comme des femmes, ça se considère comme des êtres, c'est fiable. C'est pour en faire prendre un cours, ça. Il y a des hommes qui ont vraiment été. C'est beau de voir une femme opérationnelle, une femme qui fonctionne dans une structure, c'est fantastique. Moi, j'en connais une femme qui est super brillante, elle est au bout. Puis elle sait qu'elle est au bout, puis elle te dit, elle dit, je suis au bout. Elle a un égo. Les deux goûts de même, je n'ai rarement rencontré. Mais elle est toujours en conflit. Tout le temps en conflit, elle perd ses jobs, elle perd ses jobs, elle perd ses jobs. Si elle avait le moindre taxe, cette femme-là, elle fermerait sa gueule, puis elle garderait son bout en dedans, elle serait au bout pour le vrai. Mais non. Elle ne fait pas trop savoir qu'elle est au bout. C'est pas le temps. Elle n'a pas de temps. Mais bien intelligent. Au niveau de la, au niveau de l'homme occulte et de la femme occulte, c'est la même chose. L'homme n'est pas capable encore d'absorber, puis de digérer, puis de se restreindre en relation avec sa personnalité. La femme, c'est tout la femme, puis lui, c'est lui. C'est pas tous les cas, ça. Mais il y a beaucoup de cas comme ça que vous rencontrez de plus en plus. Elle, là, comment ça s'appelle? Denise. Elle, tu vois pas comme femme. Elle, c'est son aide. Aussitôt qu'elle rentre en communication ou dans relation avec l'homme, le monde de l'homme, le monde de la femme, c'est son être qui fonctionne. Et là, sa force, et là, sa centricité, et là, sa sécurité, parce qu'elle est sécure comme femme. Mais les femmes n'ont pas toutes ça, cette vibration. Thank you. Le gars qui va arriver pour essayer d'y imposer son mort, sa personnalité mort, ça ne marchera pas, ça peut pas marcher. Ça peut pas marcher. Fait qu'automatiquement, quand ça coupe, on va être obligé de s'accoupler avec un toutou, ça balance. Ou s'accoupler avec un homme conscient qui est plus fort qu'elle, mais qui est bien dans l'esprit, parce qu'il n'est pas dans l'esprit, ça va créer des remous, c'est automatique. Faut qu'il y ait du toutou, quelque part. Le toutou, il peut être. Le toutou, il peut être créé de toute sorte de façon. Mais il faut qu'il y ait un aspect de sa personnalité qui soit affaibli pour qu'il y ait une relation avec elle. Ça, c'est automatique. Je ne me trompe pas. C'est automatique. C'est la loi d'inversion et la loi de polarité qui doit toujours fonctionner. Gisèle a un toutou. Un toutou conscient. Ça n'en sauve pas les toutous. Il n'est pas un toutou dans le temps. Ou elle est le principe actif, lui est le principe passif. Elle est le principe actif, l'autre va être le principe passif. Tout est principe actif, l'autre va être le principe passif. Mais s'il n'est pas capable d'accepter et d'être bien dans sa peau quand il est le principe passif, comme une femme, comme les femmes en général sont le principe passif, puis sont en général bien dans leur peau, il va avoir des conflits. Comme elle ici, ça se marie, mais il va falloir que l'autre soit un petit peu le principe passif puis le principe actif. Ah, c'est pour ça qu'il y a des conflits, c'est évident. Mais Charles, dans un couple comme toi et moi, on a chacun un caractère par rapport à notre personnalité, on a un genre de. Si vous voulez, respect mutuel harmonique, si vous voulez, où le dialogue est toujours constant, ça se peut quand même d'aller deux êtres actifs dans le même couple. Là, j'explique des situations extrêmes. Là, vous avez des relations balancées entre vous deux. Le respect mutuel, ça fait partie de votre tempérament. Mais vous n'avez pas le caractère très fort. Vous n'êtes pas des caractères très, très politiques. Un fois, là, de moi, bon, mais là, non. Oui. Mais quand je parle de caractère fort, là, je parle pas de caractère en termes de personnalité. Je parle d'une vibration qui passe dans l'ego et qui descend dans la personnalité. C'est quand je dis un caractère fort, là, si vous voulez vous expliquer. Un caractère fort, là, il y a toujours un point de référence dans un caractère fort. Il y a toujours de la tête de cochon. Elle a de la tête de cochon. Moi, j'ai de la tête de cochon. Elle, elle a de la tête de cochon. Comment est-ce qu'elle s'appelle l'autre en arrière? Denise, elle a de la tête de cochon. Qui c'est qui a de la tête de cochon? C'est bien. Elle, elle a un petit peu de tête de cochon. Elle, elle a un petit peu de tête de cochon qui vient de temps en temps. Elle est jamais sûre de sa tête de cochon. C'est qui a avoir ça, tête de cochon? Je ne veux pas checker tout le monde, là. Dans le caractère fort, c'est pour ça que je vous disais à tout le temps, regarde, considérez-vous jamais au niveau de vos qualités et de vos défauts. Considérez-vous au niveau de l'énergie qui peut être en vous, puis avec le temps, ça s'ajuste l'énergie-là au niveau mental et au niveau émotionnel. Puis à ce moment-là, au lieu d'avoir une de la tête de cochon, vous avez de la force qui passe en vous, qui se manifeste, mais qui est toujours équilibrée. Ça sort de la haine de la tête de cochon. Ça, c'est au niveau de la personnalité. C'est au niveau du faux soi. Quand tu rentres dans ton vrai soi, tu as encore la tête de cochon, mais c'est plus la même tête de cochon. C'est une tête de cochon qui est fondée sur une force intérieure. Elle a une tête de cochon. Mais c'est fondé sur une force intérieure. Ça en fait un dégoût. Moi, j'ai une tête de cochon. Mais. Ma tête de cochon, je peux la répandre, je peux la rendre bien, bien douce, de sorte que je peux passer totalement d'un bord à l'autre bord complètement, puis je peux devenir un petit toutou pour ma femme. C'est ça, quand tu es dans le soi, la force, tu ne peux pas toujours la vivre. Fait que de temps en temps, c'est ta femme qui a la tête de cochon, toi tu deviens un petit toutou. temps en temps, c'est toi qui appelles le cochon, là, ta femme devient petit tuto. Tu m'as dit, toi, tu prends la relève, tu t'apprends, tu deviens principe actif, elle, elle devient le principe passif. Mais c'est pas toujours un, le même des deux cas. Le premier, c'est que c'est toujours l'homme qui est principe actif, la femme est toujours le principe passif. Faut que la femme, de temps en temps, soit le principe actif, puis l'homme devient le principe passif. Mais ça, ça veut dire que ta tête de cochon, faut que tu puisses la passer d'un point à l'autre instrument, qui est le toutou. Faut que tu puisses être les deux. Puis quand t'es dans ton soi, ton vrai soi, tu peux être les deux, parce que t'as rien à trouver. Ce qui fait que les gens ont des têtes de cochon, c'est parce qu'ils ont toujours quelque chose à trouver, parce que leur tête de cochon n'est pas totalement conscientisée. Quand ta tête de cochon est conscientisée, ça devient un centre de force en toi, puis à ce moment-là, tu t'en sers quand tu n'as pas besoin, puis quand tu n'as pas de besoin, puis tu prends un break, tu t'en vas. Tu ne peux pas toujours être dans cette énergie-là. Tu ne veux pas toujours être René. Moi, j'aime ça que ma femme m'a dit, bon, mais là, tu t'en vas t'acheter des culottes. Là, je m'en vais des culottes. Elle me prend par la main, elle m'amène chez elle. Prenez-vous, c'est subtil l'affaire de la tête de cochon. Je t'explique comment ça fait en moi. Je ne sais pas psychologiquement. La tête de cochon, ça se met à quand même. La tête de cochon, éventuellement, ça se neutralise parce qu'éventuellement, tu ne te prends pas au sérieux. C'est même quand tu te prends pas au sérieux que ta tête de cochon devient belle tête. À ce moment-là, elle devient un centre de force par lequel elle peut passer l'énergie pour l'activation du temps matériel d'une activité quelconque. Mais jamais au détriment de ta blonde. Ta tête de cochon en sert à ce moment-là. Tant que quand t'es dans la fausse personnalité, elle s'en compte. Elle polarise, puis souvent elle détache, puis toutes les gens se séparent. T'as des gars qui ont des têtes de cochon, puis les femmes, c'est des tutous pendant des années. Peut-être qu'on se comprend qu'éventuellement, au bout de 40 ans, chose, le gars est là, la femme, elle suit, bien sûr. La femme, au bout de 40 ans, elle n'a plus de personnalité, c'est le gars qui rend le show. Tu rentres dans la maison, c'est le gars. C'est pas un équilibre. Comment est-ce que tu veux que les femmes soient heureuses avec toi? C'est impossible. Avec vous dire qu'elle est heureuse, parce qu'il fait l'amour un soir. C'est pas à qui ça fait l'amour une femme un soir. La vie de bonheur, la vie n'est pas basée sur l'amour, la couchette. Il n'y a rien là, la couchette. Quand tu seras rendu à mon stage, tu n'auras même plus besoin de couchette. Tu es content de t'avoir parce que tu nous perds d'énergie. Là. Pendant que vous n'avez pas couché, c'est l'autre. Mais pas toujours soumettre la femme. Pas que ce soit soumis une femme. Mais ça prend des hommes qu'on sait pour soumettre la femme. C'est pas facile pour les autres d'être. Mais vous autres, c'est que les gars, vous l'avez naturellement. Vous n'avez pas de tête de cochon. Et moi, quand je rencontre des gens qui ont des têtes de cochon, s'ils sont moindrement spirituels, s'ils sont moindrement avenants, s'ils sont moindrement des bonnes vibrations, là, j'aime ça. Parce que j'aime ça des gens qui ont une force. Mais il ne faut pas qu'ils se battent contre moi, parce que ce moment-là, c'est plus difficile. Comme Croteau, il y a des têtes de cochon, mais c'est une belle tête de cochon d'autre. Une des belles têtes de cochon que j'ai rencontrées, parce que Croteau, il se fera poser lui. Mais sa tête de cochon est fondée sur son intérieur. Sa tête de cochon est fondée sur le fait. Les gens qui ont une tête de cochon, vous aussi, je pense. Les gens qui ont une tête de cochon, ce sont des gens qui sentent quelque chose en dedans. Écoutez-le bien. Les gens qui ont une tête de cochon, c'est que s'ils sentent quelque chose en dedans, souvent pendant des années de temps, mais l'ego n'est pas assez conscientisé, puis l'équilibre entre le mental et l'émotionnel n'est pas assez grand, puis l'esprit en eux n'est pas assez grand, de sorte qu'ils sentent quelque chose en dedans, puis ils ne savent pas quoi, mais ils sentent, puis ils agissent ça. Puis c'est ça qui devient la tête de cochon négative. Mais quand tu sens en dedans, puis tu réalises en dedans, puis il y a un équilibre qui se fait entre le mental et l'émotionnel, mais ta tête de cochon, au lieu de détruire ta relation avec ta femme, elle sert. Elle sert. Elle sert. T'as support, puis t'as support, puis t'as support. la supporte pas. Il y a des gens qui ont des batailles de cochon. Produit une bataille de cochon. Monsieur a une bataille de cochon. Une bataille de cochon. Excusez, j'ai encore cette expression-là. Je suis obligé de vous parler de façon franche et précise. Les mots sont là. Il y a toutes sortes de personnalités. Là, je parle de la tête de cochon. Il y a d'autres sortes de personnalités. Elle, c'est comme elle. Elle a une tête de cochon aussi. Mais c'est comme sa tête de cochon. Elle, c'est une tête de cochon douce. Il y a des têtes de cochon brutales. Elle a une tête de cochon douce. Chacun de mes amis, elle est bon mari. Ça a une tête de cochon brutale. C'est la malheureuse, cet homme-là, parce que c'est un homme qui est doux. Fait qu'il y a un équilibre entre les deux. Il y a toutes sortes de personnalités. Il faut les connaître. La force de caractère, c'est la tête de cochon, c'est tout le monde ensemble. La force de caractère, la tête de cochon, ça va. La force de caractère, c'est l'expression de la tête de cochon au niveau de la personnalité. C'est l'expression de la tête de cochon au niveau de la personnalité. Mais il y a des gradations là-dedans. J'ai des dégradations là. Mais vraiment, quand on était jeune, c'était un traité pour tête de cochon, donc ouais. C'était tout un insulte, avec toi, on savait que c'était un adulte. Ah! C'est un cadeau! Oui, parce que j'explique le mécanisme derrière la tête de cochon qui est active la personnalité. Oui, c'est parce que je parle toujours derrière la personnalité. Je peux pas vous expliquer quelque chose sans vous expliquer à quoi c'est lié. Ça fait en sorte que ça ait été mélangé. C'est comme quand je vous dis ce qu'on fait, c'est correct. Faut que j'explique ce que je veux dire. Sans ça, les gens partent là et diront, moi, tuer quelqu'un, c'est correct. C'est ça que je veux dire. Je vous explique les antécédents de ça. Je vous explique la pensée jusqu'au bout, jusqu'à son origine, pour que vous compreniez au niveau de votre vraie personnalité, au niveau de votre grand soi, que votre tête de cochon, c'est l'aspect énergétique de votre mental qui influe sur votre personnalité. Une fois que votre mental est conscientisé, à ce moment-là, ce n'est plus la tête de cochon, vous avez, c'est la force de caractère. C'est un canal qui est plus ou moins formé et qui sert à véhiculer sur le matériel de votre expérience une quantité quelconque d'expérience pour l'accumulation d'autres expériences. La conscientisation de votre. Il y a des gens, c'est quoi? C'est l'opposition de la tête de cochon. Ils sont doux. C'est des doux. Souvent, les doux, les gens qui sont doux, ça, c'est même la face. Parce que les gens qui ont des têtes de cochon ont moins de difficultés à passer directement dans la conscience cosmique que ceux qui sont doux. Parce que ceux qui sont doux, leur douceur est basée souvent sur l'insécurité. Leur douceur est souvent basée sur des bons sentiments. Leur douceur est souvent reliée à la crainte. Le sol est fondé sur différents aspects. Elle, c'est un exemple. Ça, c'est doux. Ça, c'est de la crème. Ça, c'est 35%, pas 15%. C'est plus long à arriver à ça parce qu'elle est obligée de. Est obligée, elle, de devenir une tête de cochon. Tu comprends? Le petit canal, là, toi, au moins, t'es un petit canal. Croteau, il y a un petit canal. Lui, il y a un canal. Chacun, qui a une tête de cochon, il y a un petit canal. Mais quand tu n'as pas de canal par tout, il faut que tu en construises un. Fait que tu pars de zéro pour construire. Moi, je ne sais pas pourquoi est-ce que c'est là. C'est là. C'est pour ça que ces gens-là, il faut être bon, il faut être patient pour leur parler, pour leur parler, pour leur parler, pour leur parler, pour leur parler, pour qu'ils arrivent éventuellement à avoir l'énorme masse de force qui les empêche d'avoir des talents. Mais une personne qui a moindrement un petit peu de tête de cochon, elle a une tête de cochon. Les gens qui ont moindrement un petit peu, lui, il y en a une tête de cochon. Maudit. Les gens qui ont moindrement de la tête de cochon, on dirait ça, c'est bien. On dirait que les gens qui ont moindrement de la tête de cochon, ils peuvent sentir eux-mêmes. Ils n'ont plus de facilité à se sentir intérieurement. Quand on leur explique la tête de cochon, il y a un aspect positif. Tandis que les gens qui n'ont pas pantoute de tête de cochon, qui sont bons, qui sont lustreux, qui sont des petits pitous, qui ont toujours suivi ou qui ont souffert d'insécurité, qui ont souffert de la désapprobation des autres, juste qu'on va aller de leur vie. Ils ne sont pas capables d'arriver à un point pour sentir le petit noyau en dedans d'eux autres. C'est pour ça que c'est plus dur. Parce que la personne qui est douce, qui attend quelqu'un qui est bien dégagement à tout. Hein? À la trouve ça? À la trouve ça. Ouais. Non, mais dans ce temps-là, il y a bien. Ça dépend. C'est important la fête à tête. C'est important d'en parler. Parce que c'est très important. Quand tu parlais de l'éducation tantôt au niveau scolaire, c'est quelque chose qu'on a beaucoup décoré, les têtes de cochon dans les écoles. Bon, tu connais des écoles, des têtes de cochon, bon, tu fais comme tout le monde. Ouais, c'est comme à Dieu qui dit, tout le monde le fait à les dents. Fait que moi, tu mets ta tête de cochon, tu mets le centre de gravité que t'as, c'est la petite chose qui est trouée, là. Éventuellement, tu l'enlèves et t'en refais. Fait que qu'est-ce qui arrive? C'est dangereux parce que là, quand t'arrives à délinquance, ça ouais. Bon. Les délinquants, ce sont des gens qui ont des têtes de cochon, qui ont été bousculés dans leur tête de cochon. Tout négatif, négatif, négatif, négatif. Ils n'ont jamais pu s'exprimer. Ils n'ont jamais pu exprimer ce qu'il y avait en eux, de tête de cochon. C'était jamais OK. C'était jamais OK. Il y avait jamais raison. Fait qu'éventuellement, il y a une réaction de bien délinquant parce que la poste demande. Si tu as une tête de cochon de caractère quand tu es né, tu vas attendre jusqu'à temps que tu crèves. Si tu n'en as pas de tête de cochon, c'est un cigarette, c'est un cigarette. Tu les mets en prison. Non. Non. Si tu n'as pas de tête de cochon, éventuellement, tu vas développer un centre de gravité. Un centre de gravité. Différent. Mais si tu as une tête de cochon, tu vas tout l'avoir. Mais elle aussi, elle va se transformer. Puis elle devient consciente de gravité. C'est quasiment. La tête de cochon, c'est lié à l'évolution de l'ego. Puis regarde tous les hommes qui ont fait quelque chose dans la vie. Ça a acheté un livre à qui? Ils ont tous des maudites têtes de cochon. Trudeau, il y a une tête de cochon. Drapeau, il y a une tête de cochon. Lévesque, il y a une tête de cochon. Tu peux rien faire dans le monde si tu n'as pas une tête de cochon. C'est pour ça qu'il y a des masques. Les masques suivent, puis il y a des livres. Ta tête de cochon, c'est important. Il y a des gens qui l'ont seulement, qu'il y a des gens qui en souffrent d'avoir une tête de cochon parce qu'ils font tout, taper sa tête, taper sa tête, taper sa tête. Mais éventuellement, si la tête de cochon n'est pas trop forte, là, ils s'en vont d'une direction, c'est là que tu deviens des délinquants. Mais tu t'en vas en prison. Tu deviens Trudeau, tu t'en vas en prison. C'est ça. Parce que tu as eu des bons parents, tu as eu une belle éducation, tu as été aidé par des parents qui voyaient un petit peu blanc, qui étaient un petit peu plus libéral, mais tu peux devenir un Trudeau, tu peux devenir un Lévesque, tu peux devenir un Drapeau. Sans ça, tu deviens. Tu vas l'autre bord. Il n'y a pas de grande différence entre les génies et ceux qui craquent. C'est des hommes qui ont un centre de gravité. C'est bien orienté. C'est ça. C'est des hommes qui. C'est pas des hommes parfaits, c'est évident, ils sont pas conscients, mais ils ont ce centre de gravité-là, puis c'est avec ça qu'ils peuvent. Ils ont un canal, puis c'est avec ça qu'ils peuvent faire ce qu'ils font. Oui, mais c'est important parce que si tu prends l'évêque Trudeau à l'école des noms que tu viens de nommer, ça veut dire qu'il y a 20 ans ou il y a 50 ans, si tu étais dans high class, là, si tu étais dans la bourgeoisie, tu avais moins de chances de devenir délinquant, OK? Mm-hmm. Parce que tes parents pouvaient te protéger du système qui t'envoyait direct à votre COVID. Mais si tu étais économiquement faible, t'avais presque pas le choix de pas devenir délinqué. Mmh. Oui. J'ai passement en fait quoi? Pas capable de t'expliquer ce oui, que je veux dire. Oui, pas mais autrement dit, eux autres, ils passent par l'antenne de statistique. Mais il y a des influences. Ils préfèrent parler en termes d'influence. Mais ce qui arrive aujourd'hui, c'est que la société est tellement complexe, l'homme est aliéné. Avec un petit gars de 18 ans, on a eu super cadeau. Dans mon temps, c'était un cadeau, parce que dans mon temps, tu sortais de la petite école, puis tu allais à l'université. Mais t'avais un idéal. Parce que la tête de cochon était canalisée. Tandis qu'aujourd'hui, les cadres sont remplis. Il n'y a pas nécessairement un surcroît dans l'emploi. Parce que c'est pas vrai. Mais la vie est plus difficile. C'est plus difficile à un jeune de se tasser. Fait que c'est galé. Bon. Tu peux pas te tasser en société, mais tu t'en vas dans l'endroit. Tu vas dans l'endroit, mais tu fais d'autres choses. C'est du top. C'est parce qu'avec le défaut de la société qu'on a reçu, le pattern qu'on a vu, c'est celui d'avoir eu beaucoup, beaucoup de cadres, d'avoir été très encadré. Mm-hmm. Puis je t'ai déjà dit antérieurement, l'esprit entre les causes ne peut pas s'exprimer, mais que c'était mieux d'avoir reçu quelque chose, de même si c'était pas square comme il faut, que d'avoir rien reçu du tout. Tu parlais à un moment donné du petit bébé qu'il faut. C'est toi qui m'aimes, c'est pas lui. Je pourrais avoir un petit verre d'eau. S'il vous plaît. Et quand on s'en rencontre, toutes les nuances, il y en a tellement. Il y a toujours quelque chose à apprendre, tout le temps. C'est extraordinaire, la psychologie. C'est extraordinaire. Ça me... On doit comprendre une fois pour toutes que nos personnalités, ce qu'on est, ce qu'on sent, la façon qu'on sent, que tout ce matériel-là se transforme. Il dit, c'est une bottine qui a des plis dedans. Tu l'envoies chez le cordonnier, il va t'en remettre neuf. Mais si tu achètes ta bottine parce que tu penses qu'elle ne s'arrange pas, il dit, t'es ignorant. Toutes les bottines se remettent à neuf. Parce que c'est ça qu'ils disent, apprenez à les aimer vos égaux comme ils sont, puis les prendre vos personnalités comme ils sont. Puis avec le changement vibratoire et toutes les explications qu'il nous donne, éventuellement, ça rentre. Puis on s'en aperçoit pas que ça rentre, mais ça rentre. Puis éventuellement, t'es bien. Tu souffres plus dans ta personnalité, puis ton ego est en paix, une fois pour toutes, de ta maudite personnalité. Dans cette dimension-là, il n'y a rien qui se passe. Il n'y a absolument rien qui se passe. Il dit qu'un homme pourrait être totalement inconscient et être amené à la conscience. Il dit simplement qu'il y ait la résonance, puis que ça s'ajuste. Mais que ceux qui parlent savent ce qu'il y a à dire. Tu peux pas parler au monde. Moi, ce que je reproche au monde, tu parles au monde. C'est que les gens, tu parles aux gens, ne savent pas ce qu'ils disent. Ils vont pas en profondeur, puis ce qu'ils disent, c'est simplement des aspects d'une réalité qu'ils comprennent même pas eux-mêmes. C'est facile de faire de la philosophie, puis c'est facile de faire de la psychologie, puis c'est facile de donner des conseils au monde, mais c'est pas assez. Il faut que tu expliques le mécanisme de l'ego, de la personnalité. Faut que tu l'expliques. Faut que tu puisses l'expliquer à chaque individu. Chaque individu, faut que tu puisses connaître chaque individu parce qu'il n'y a pas un individu qui est fait pareil. Fait que ce qui arrive, c'est que les gens prennent pour du sérieux, pour du vrai, des grandes lignes, qui souvent ne s'appliquent même pas eux-mêmes. Puis il dit que l'irréalité de l'ego sont tellement fragmentées quand elles sont vues à partir de l'ego que c'est impossible à l'ego de faire un tout avec ça. Pour que l'ego puisse faire un tout avec les fragmentations de sa conscience subjective, il est obligé d'avoir l'information à l'extérieur de lui. Il faut que ça vienne de l'extérieur de lui. C'est seulement à partir de ce moment-là que l'ego peut commencer à mettre les pièces ensemble, puis éventuellement se regarder dans le miroir, puis éventuellement voir que le miroir n'est pas craqué. Les gens se voient toujours dans le miroir, puis il y a toujours une craque dans le miroir. Une craque. Il faut que les gens arrivent à se voir, puis même s'il y a des craques dans le miroir, de ne pas s'en inquiéter, parce qu'éventuellement, les craques se referment, puis se referment, puis se referment. Oui, mais dans la dimension avec laquelle tu parles la psychologie, moi, ce que je remets, c'est que toi, tu prends une psychologie générale, universelle, puis tu la laisses t'expliquer individuellement par l'être qui est en avant de lui. Il n'y a pas un être qui peut mieux s'exprimer que lui-même. Et ça, c'est la latitude que tu laisses aux gens pour le faire. Toi, tu donnes des moyens extérieurs, tu donnes une définition générale, puis c'est à chaque individu à ajuster son focus de vie. Mais c'est nouveau, ça. Parce qu'avant, la psychologie, elle définissait un homme, en comparant, elle cataloguait, elle faisait des secteurs, puis, tu sais, tu travaillais en mettant les êtres humains dans des petits boîtes, dans des petits secteurs, donc ça c'est un deux, ça c'est un deux, c'est un autre. Tandis que toi, tu nous amènes un souffle nouveau en disant, demandez, quand tu as parlé avec elle, puis Hélène, là, puis tu disais, c'est le fun de vous entendre parler dans votre travail en psychologie, parce que vous allez chercher l'autre dans ce qu'il a à l'intérieur, tout ça, on ne peut pas y aller, tout ça. C'est l'autre qui va te dire qui il est. C'est pas toi qui va. OK, avec, comme toi tu dis, avec vous autres, les techniques, puis les mots, puis tout ce que vous savez, vous sensibilisez les êtres. Puis au début, je pense que c'est ce qui fait peur aux êtres. C'est à eux autres à se définir. On nous a toujours dit depuis, bon, de zéro à chacun de nos âges qu'on est rendu. T'es pas capable de faire quelque chose tout seul. Puis là, on te dit, c'est toi qui va falloir qu'il fasse, faut que tu deviennes autonome, autosuffisant, auto-ci, auto-ça. Ben, je sais, les bébés n'ont pas concentré, mais tu sais qu'on n'est pas là. Hein. Puis pourtant, il y a quelque chose en dedans nous autres qui nous dit, c'est exactement ça que tu avais besoin. T'es aussi grand que ça, mais ça, personne t'a mis. T'étais grand parce que tu étais allé voir un psychologue, parce que tu n'étais pas malade, parce que tu étais allé voir un docteur. Chacun de nous autres, je pense que c'est le mieux, on peut le savoir. L'affaire de la grandeur, il dit qu'un des plus grands problèmes de l'ego, des égos, c'est que les égos ne sont pas capables de le voir grand. Ça, c'est le plus grand malheur de l'homme, ça. Les égaux ne sont pas capables de se voir grand parce que les égaux ne sont pas capables de se voir à partir d'eux autres en haut. Si l'égo se voit à partir de lui-même, si c'est évident que tu verras pas grand, il se voit avec des lunettes de fumée. Mais si tu te vois à partir d'eux autres, à ce moment-là, là, tu commences à te voir grand. Tu commences à te voir à ta juste mesure, puis ta juste mesure, c'est toujours ta mesure. Parce que quand tu as ta mesure, tu n'es pas intéressé à d'autres mesures. C'est intéressant ta mesure. Puis là, quand tu commences à sentir et à remplir ta mesure, ben t'es bien. Moi, je suis pas intéressé à une autre mesure. Moi, quand même, je rencontre un extraterrestre, je suis pas intéressé à sa mesure. Je suis intéressé à ma mesure. Puis ce qui est intéressant, c'est que quand tu arrives à ta mesure, ta mesure est universelle. Que c'est subtil. Quand tu es arrivé à ta mesure est universelle parce que ta mesure est fondée sur ton esprit. C'est universel. En ce moment-là, des quantités, il n'y a plus. Des qualités, il n'y a plus. Plus grand, plus petit, ça n'existe plus. Fait que t'es là, t'es bien. Quand tous tes besoins sont comblés. Quand tous tes besoins sont comblés. Tous tes besoins. Ouais. Puis l'ego en a des besoins. Les besoins de l'ego sont... Il dit que les besoins de l'ego sont tous en mesure de l'incapacité de l'ego d'élever la personnalité à lui-même. Ce qui diminue l'ego, c'est la personnalité. Parce que l'ego est titre, la personnalité est là, il faut que l'ego la monte, titre, la personnalité. Quand il est rendu un, il devient un. À ce moment-là, tu es dans la mesure de toi-même. T'es bien. Là, le reste, c'est de la communication, Charlie. Là, à ce moment-là, ben, là, tu peux connaître d'autres personnes. Comprendre d'autres personnes. Parce que si tu connais toi-même, une fois que tu connais toi-même, tu as besoin de connaître. Là, tu peux connaître des autres. Fait que ta mesure qui était à partir d'avant, elle devient une mesure universelle. C'est ce que ça veut dire. Une fois que tu connais toi-même, tu peux connaître des autres.